amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde et du choix musical avec la collaboration de Denis Marchand, Noël Douville, Louis Douville, Robert Blanchette et Yves Farley. Aujourd'hui à l'émission, nous avons Leap Day des Pays-Bas. Nous avons Edison's Children, c'est multinational, Gentle Knife de Norvège, Quantum Fante des Pays-Bas, King Crow et Goblin Rebirth d'Italie, Finnegan's Wake de Belgique, Mutiny on the Bounty, ça c'est américain, Arek Names d'Italie, Myrtcon des États-Unis, Renaissance d'Angleterre et Sound of Contact d'Angleterre. On débute avec la formation Leap Day qui vient de faire paraître un nouvel album qui s'intitule The Days of Deucalion Chapter 2 et on va entendre la pièce Signs on the 13. Alors voici Leap Day des Pays-Bas. Just imagine you were there, living way beyond the past. Do you think you would be able just to understand? Just imagine you would see, you could smell or feel the threat. Do you think that you could act on what was imminent? Hear the silent tension, feel the growing pressure, know the signs on the 13th. See the hidden meaning, touch what frightens you, and know the signs on the 13th. Just imagine you were there. Do you think you'd be aware? Do you think you'd recognize the calm before the storm? Feel the silent tension, feel the growing pressure, know the signs on the 13th. See the hidden meaning, touch what frightens you, and know the signs on the 13. Alors, c'était la formation néerlandaise Leap Day avec un extrait de leur quatrième album The Days of Deucalion, Chapter 2. Et ce qu'on a entendu, c'est Signs of the 13th. On va enchaîner avec deux pièces du nouvel album de Edison's Children. Edison's Children sont des musiciens et techniciens qui gravitent autour de la formation Marillion. Ils ont trois albums, le plus récent, qui s'intitule Somewhere Between Here and There. On va entendre deux pièces. La première, c'est The Seventh Sign, et la deuxième, The Longing. Alors voici Edison's Children.

chance to say goodbye. Funny the things that you long for. One more chance to hold you tight. Funny the things that you long for. Wandering in and out of your mind when I had to deserve you. Even when you feel all alone, I won't be fine. Alors, c'était la formation Edison's Children avec la pièce The Longing et ça a été précédé par The Seventh Sign du même groupe. Les deux pièces extraites du dernier album qui vient de paraître, Somewhere Between Here and There. On parle de 15 chansons sur cet album, 80 minutes de rock progressif. Après la pause, Gentle Knife, Quantum Fante, King Crow et Goblin Rebirth. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On débute le deuxième bloc de l'émission avec une formation de la Norvège. C'est un nouveau groupe de 10 musiciens. Le groupe s'appelle Gentle Knife. L'album qu'ils viennent de faire paraître, c'est un album éponyme et on va entendre la pièce Beneath the Waning Moon. Alors voici Gentle Knife. Thank you. Alors, c'était de Norvège, la formation Gentle Knife, avec la pièce Beneath the Waning Moon. C'est extrait de l'album éponyme qui vient tout juste de paraître. On continue avec la formation néerlandaise Quantum Fante, qui vient de faire paraître leur cinquième album, qui s'intitule Dancing in Limbo. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Nimbo. Alors voici Quantum Fante. Thank you. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'était une nouveauté de la formation Quantum Fante des Pays-Bas. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Nimbo, et c'est extrait de l'album qui vient de paraître, Dancing in Limbo. On enchaîne avec une formation italienne du nom de King Crow. Ce groupe vient de faire paraître leur cinquième album depuis 2001. L'album s'intitule Eidos, et on va entendre la pièce Adrift. Alors voici King Crow. Une petite précision, cette pièce qu'on va entendre, c'est la pièce un petit mélange dans la programmation. La pièce qu'on va entendre, c'est celle de Goblin Rebirth, Book of Skulls. Alors, c'était la formation italienne Goblin Rebirth qui est formée de musiciens qui sont membres aussi de la formation Goblin et aussi de la formation Cherry Five. Ce sont trois projets en parallèle qui dominent l'actualité italienne par rapport à ce groupe-là. Alors, on va conclure le deuxième bloc avec une autre formation italienne du nom de King Crow qui vient de faire paraître l'album Eidos et la pièce qu'on va entendre, c'est Adrift. Alors, voici King Crow. My heart no longer has to desire. Alors, c'était la formation italienne King Crow avec la pièce Adrift et c'est extrait de leur plus récent album. On débute le troisième bloc avec une formation belge du nom de Finnegan's Wake. Ceci est une suggestion d'un de nos auditeurs, Noël Douville. Et la formation Finnegan's Wake a 7 albums à son actif, enregistrés entre 1994 et 2011. Et la pièce qu'on va entendre est extraite du 5e album qui s'intitule Blue. Et la pièce Agaguk, qui est un rappel d'un de nos sujets de littérature québécoise. De là à faire le titre d'une pièce d'un groupe belge de 2008, il faudrait peut-être faire un petit peu de recherche pour essayer de trouver le lien. Alors voici Finnegan's Wake avec la pièce Agaguk. Thank you. Alors, c'était la formation belge Finnegan's Wake avec la pièce Agaguk et c'est extrait de l'album Blue qui est paru en 2008. On va maintenant du côté des États-Unis avec une formation Mutiny on the Bounty qui vient de faire paraître son quatrième album en presque 2 ans. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Ballet Mécanique et le titre de l'album Digital Tropics. Alors voici Mutiny on the Bounty. We'll be right back. Alors, c'était Ballet mécanique de la formation Mutiny on the Bounty et c'est extrait de Digital Tropics qui vient tout juste de paraître. On se rend maintenant du côté de l'Italie avec la formation Arek Names et qui a date de 3 albums à son actif. Et la pièce qu'on va entendre, c'est extrait du deuxième qui est paru en 2006, Love Hate Round Trip. Et la pièce s'intitule Pendulum Arc. Alors voici Arek Names. Thank you. Ce que vous venez d'entendre, c'est la formation italienne Arecnames avec la pièce Pendulum Arc. Et c'est extrait de l'album Love Hate Round Trip, paru en 2006. On va conclure le troisième bloc de l'émission avec une autre suggestion de l'auditeur Noël Douville. On parle ici de la formation américaine Myrtcon. Je vais l'appeler pour les oreilles qui n'ont pas entendu. Alors, M-I-R-T-H-K-O-N, Myrtcon. Ils ont deux albums à leur actif. Le premier, Vehicle, qui est paru en 2009, et le deuxième, Snacks, en 2013. Et ce qu'on va entendre, c'est extrait de l'album de 2009, Vehicle, et la pièce s'intitule Honeykey Jamboree. Alors, voici Myrtcon. c'était la formation américaine Myrtkon avec la pièce Honeykey Jamboree et ses extraits de l'album Vehicle paru en 2009. Après la pause, Renaissance et Sound of Contact qui font partie du palmarès des meilleurs albums de rock progressif selon Jimmy Farley. Nous sommes maintenant rendus au quatrième bloc et dernier bloc de l'émission Rock de Neurones. Et nous avons pour ce dernier bloc une récapitulation des 50 meilleurs albums rock progressifs de tous les temps selon un paramètre, c'est-à-dire un palmarès qui est amalgamé à partir de Rolling Stone, Prog Archives et Rock de Neurones. Et en 48e position, nous avons le groupe Renaissance avec l'album Scheherazade and Other Stories. Renaissance qui a débuté en 1969 et je crois qu'il est encore actif. Le dernier album date de 2013 cependant. Et la particularité de ce groupe-là, ben, c'est la chanteuse Annie Aslam. Alors voici la pièce Trip to the Fair qui est extraite de l'album Scheherazade and Other Stories. Thank you. I took a trip down to look at the fair. When I arrived, I found nobody there. It seemed I was all alone. Must be that they've all gone home. A trip to the fair, but nobody was there. A trip to the fair, but nobody was there. Voices of yesterday make not a sound. Even the roundabout stop going round. I wonder just what it means. Is everything how it seems? A trip to the fair, but nobody was there. A trip to the fair. The dudgeons came onto the scene. Wheels began turning, I started to scream. A carousel swung around. My head spun and hit the ground. A trip to the fair, but nobody was there. A trip to the fair. Was there. slipped down to look at the fair. When I arrived, I found nobody there. It seemed I was all alone. Must be that they've all gone home. A trip to the d'entendre Renaissance qui occupe la place 48 du palmarès rock de Neurone. Et on a entendu la pièce A Trip to the Fair et c'est extrait de l'album Scheherazade and Other Stories qui est paru en 1975, 40 ans déjà. On va conclure l'émission avec la position 47 du palmarès et c'est la formation Sound of Contact qui sont plus modernes. En fait, ils ont un album en 2013. Sound of Contact regroupe des musiciens, dont Simon Collins, qui est le fils de Phil Collins, batteur de Genesis et chanteur de Genesis. Il y a aussi Dave Kirzner, qui est un brillant claviériste, qui a déjà aussi un album à son actif depuis un an. La pièce qu'on va entendre, c'est Mobius Slip. Alors voici Sound of Contact. There's a disturbance in the plenum. We'll be right back. resigned to lead a life alone, exploring all that is. All worlds, all times. Now I feel I can't go on without you in this life and all the love inside. C'était la formation Sound of Contact avec la pièce Mobius Slip et c'est extrait de Dimensional qui parut en 2013. Alors,